nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le cinéma substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs. André Bazin mourut à seulement 40 ans, tout juste après la première journée de tournage des 400 coups, premier long métrage de celui qui était comme son fils adoptif. Lui rendant hommage, Truffaut écrivait. André Bazin, comme les personnages de Giraudoux, était un homme d'avant le péché originel. Tout le monde le savait honnête et bon, mais son honnêteté et sa bonté surprenaient toujours tant elles se manifestaient pleinement. Parler avec lui, c'était comme pour un hindou se baigner dans le Gange. En 1988, Jean-Pierre Pagliano proposait en deux numéros de Profil perdu de mieux cerner la personnalité de l'un des fondateurs des Cahiers du cinéma. Pour évoquer Bazin dans ce deuxième volet, outre Doniol Valcroz, cofondateur des Cahiers avec Bazin, on retrouve Alain René, Agnès Varda, Jean Narboni, Jean Collet et Jean-Charles Takela. Profil perdu, une émission de Jean-Pierre Pagliano. André Bazin, deuxième partie. Il y a très peu d'images animées de lui. Au moment de cet hommage à Cannes, j'avais cherché des images. Apparemment, rien n'a été tourné, même pas en cinéma amateur, sur de ses conférences ou de ses interventions. Encore moins à la télévision ou l'industrie du cinéma. Et j'avoue que j'ai été absolument saisi il y a un an ou un an et demi. Mais là, j'ai eu une sorte de micro-traumatisme qui correspond à celui dont parle Bazin quand il parle du réel, en voyant, ça durait une demi-seconde, une image animée de Bazin. C'était dans le cadre d'une émission grand public, je crois, à la télévision. Et il était question de la remise du prix Louis de Luc à Tati pour mon oncle. Puis à l'occasion d'un tout petit déplacement de caméra, j'ai vu au fond quelqu'un avec une écharpe et une petite moustache et qui était Bazin. Et c'était très impressionnant parce que je n'ai jamais vu d'image animée de Bazin à l'exception de ces quelques photogrammes. Hail to thee, Thane of Glamis! What are these that look not like the inhabitants of the earth and yet are armed? Speak if you can, what are you? Quand on dit le Bazin malade, à la fin émacié et tout, il a toujours été comme ça. Il a toujours été très mince, très. Et j'ai l'air de relever de maladie, alors qu'il avait une énergie considérable. Et ce qui frappait, c'était le regard. C'était le regard et la difficulté de parole, parce qu'il bégayait souvent, André. Et ça crée un espèce de personnage étrange. Avec un regard très perçant et très bon, un regard de confesseur un peu. On avait l'impression qu'il voulait un peu pénétrer derrière et savoir si ce qu'on lui disait était vraiment ce qu'on pensait ou autre chose. Comme ça. Il avait un côté comme ça, André. Quand je vois les photos de Bazin, j'ai l'impression de quelqu'un qui est forcément plus âgé qu'en fait les 40 ans qu'il avait quand il est mort. Oui, on a l'impression qu'il a eu toujours le même âge, toujours le même visage, donc aussi jeune ou aussi mûr, au choix en effet. Et il a toujours parlé de cinéma avec le même enthousiasme et le besoin de chercher plus loin que la première impression. Quoi. Enfin. Prolonger le plus loin possible dans l'intelligence et la sensibilité de ceux qui le lisent le choc de l'œuvre d'art. C'est ainsi qu'André Bazin définissait la fonction du critique. 30 ans après sa mort, la pensée de Bazin continue d'alimenter la réflexion des cinéphiles français, aussi bien que des universitaires américains ou japonais. Grâce à ses livres sur Orson Welles, Jean Renoir, Charlie Chaplin et aux différents recueils de ses articles. Qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma de l'occupation et de la résistance, le cinéma français de la libération à la nouvelle vague, le cinéma de la cruauté. Il faut également signaler la biographie d'André Bazin par Dudley Andrew. Elle constitue, malgré quelques erreurs de détail, une excellente approche de la personnalité et de l'œuvre du grand critique. L'édition française de cette étude américaine a été publiée en 1983 par les Cahiers du cinéma et la Cinémathèque française, sous la direction de Jean Narboni. Dans cette deuxième et dernière partie du profil perdu d'André Bazin, nous allons tenter de préciser son apport et de dessiner sa filiation, avec l'aide d'Alain Resnais et d'Agnès Varda, et de deux autres cinéastes qui ont d'abord pratiqué la critique de cinéma aux côtés d'André Bazin, Jacques Daniel Valcroz et Jean-Charles Taquella. Avec l'aide également de deux critiques, Jean Narboni et Jean Collet, qui témoignent de la fécondité de l'action et des analyses d'André Bazin. Alain Resnais, vous êtes en plein tournage de votre 12e film, I Want to Go Home, votre 12e long métrage en tout cas. Et évoquer André Bazin, ça vous ramène à vos débuts? Oh ben oui, en effet. La première rencontre avec André Bazin, ça doit remonter vers les années 42-43 ou quelque chose comme ça. En effet, un ami commun avait dit « Ah, mais il faut que vous vous rencontriez, parce que vous aimez tous les deux beaucoup le cinéma. » Et oui, je me souviens même que la première rencontre a été presque un malentendu, parce que André Bazin n'avait jamais vu de film muet, n'avait même jamais vu de film, et à partir de 2 à 3 films... commençait à élaborer des théories. Et je trouvais que quelqu'un qui n'avait pas été au cinéma dès l'âge de 4 ans et qui n'avait pas suivi tout ce qui se faisait me paraissait tout à fait anormal, en tout cas. Peut-être j'étais très snob, je ne sais pas. Mais à partir de la deuxième rencontre, en effet, j'ai complètement changé. Je suis tombé sous le charme de Bazin. Et j'ai été très sensible au fait qu'il prenait, je ne dis pas le cinéma au sérieux, ce n'était pas le problème, mais qu'il considérait qu'on pouvait parler cinéma avec autant d'intérêt, ni plus ni moins, qu'on pouvait parler de peinture, de musique ou de littérature. Alors que, en effet, jusque-là, on peut dire qu'à part quelques critiques fanatiques, mais qui faisaient un petit peu... l'effet de fou un petit peu dans le monde, en tous les cas universitaire où je vivais, le cinéma n'était pas du tout pris au sérieux. Je sais que justement quand j'étais encore en classe, on n'avait pas le droit de faire dans une rédaction française allusion à un film, puisque ça n'était que du cinéma. Et tout à coup je trouvais en effet André Bazin, qui lui était un vrai universitaire, et qui, trouvait que c'était aussi intéressant qu'un livre ou qu'une pièce de théâtre, quoi. Alors, à partir de là, j'ai presque envie de dire, je lui ai montré des films que je pouvais avoir dans ma cinémathèque personnelle ou que j'allais chercher chez des loueurs, qui est un peu une époque où c'était... sous le manteau, mais on trouvait encore des loueurs de vieux films muets, et on transportait ça à bicyclette, comme ça, et on faisait des séances semi-clandestines, disons, à la Maison des Lettres, et auxquelles Bazin participait, animait les débats, et alors là, en effet, c'était extraordinaire de voir son intelligence se mettre en marche sur un film de Charlie Chaplin, par exemple. Et je me souviens d'avoir apporté Les Migrants un soir, et tout ce que Bazin avait tiré de Les Migrants, aussi bien... au point de vue construction dramatique qu'expression plastique, quoi. Enfin, et il avait là un tel enthousiasme, il vibrait. Enfin, c'était là, quelquefois on a dit que c'était une espèce de Saint François d'Assise du cinéma, mais c'est vrai qu'il en avait le visage et l'éclat dans l'œil. Enfin, c'est en tout cas qu'on peut imaginer à Saint François d'Assise, quoi. Peut-être pour ça qu'il avait cette passion plus tard pour Rossellini. À une époque, on discutait. Moi, j'étais plus félinien que rossellinien, et on essayait de se persuader l'un à l'autre que l'autre avait raison, quoi. Mais c'est... je crois pouvoir dire quand même que c'était un ami auquel j'avais beaucoup d'affection, mais en plus, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, parce que il m'a forcé à réfléchir un peu, moi, sur ce que je faisais après, en tout cas. Vous lui avez fait découvrir, par exemple, les expressionnistes allemands. Ça c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin j'étais un passionné de Fritz Lang, et Oui, c'est peut-être, je suis pas trop... Oui, peut-être quand même, c'est moi qui lui ai montré Métropolis et les Nibelungen et tout ça, et les espions de Fritz Lang, oui, ça c'est vrai qu'il était... Et évidemment, c'était formidable parce que comme il avait cette fraîcheur de l'œil, il passait très rapidement par-dessus, je pense aux espions, quoi, par-dessus certaines apparences romans populaires du scénario que les autres universitaires refusaient et que lui acceptait très bien parce qu'il voyait que ça provoquait des beautés, des beautés auxquelles les surréalistes comme Breton ou Aragon étaient d'ailleurs très sensibles. Donc c'était... Mais Aragon et Breton n'étaient pas des critiques cinématographiques. Donc Bazin, tout à coup, était à une chaîne avec cet esprit-là, quoi. Jacques Doniol Valcroz, qui fut le nécessaire trait d'union entre la revue du cinéma de Jean-Jean Jauriol et les cahiers du cinéma d'André Bazin. Je suis absolument enchanté de la mythologie sur Bazin et qu'il soit devenu un personnage aussi mythologique maintenant comme ça. Mais je trouve très injuste que l'un n'exclut pas l'autre, que Jauriol soit aussi oublié. Parce que Jauriol, il avait tout compris, hein. Il avait d'abord inventé la notion de revue de cinéma. Si on prend la revue du cinéma de 1928, comme ça, tiens, on trouve le modèle parfait de ce qu'est une revue de cinéma. Et toutes celles qui ont existé par la suite ont eu exactement la même structure. Ça a été complètement copié. Moi, quand on a fait les cahiers du cinéma, on a donné une suite exacte à la revue du cinéma et on a gardé la même structure, les grands articles, exactement. Donc, Jauriol, il a inventé la notion moderne de revue. Il y a bien eu quelques revues avant, mais enfin, c'est ça le type. Et aussi, comme pensée sur le cinéma moderne, dans les premiers numéros de la revue du cinéma, il y a une série de celle qui est reparue alors en 46. Il y a une série d'articles de Jean-Georges qui s'appelle Faire des films. Et quand on lit ça, on est abasourdi. Je veux dire, c'est toute la conception du cinéma moderne et tout. Donc c'est le vrai et c'est lui qui a fait venir Bazin et travailler André et tout ça et Romère et tout. Je veux dire, donc c'est tout à fait injuste de ne pas. Mais cette injustice, Bazin y est peut-être pour quelque chose, parce que il rendait toujours hommage à Roger Lénard, en reconnaissant sa dette envers Roger Lénard, oui. Mais je ne me souviens pas qu'il ait beaucoup rendu hommage à Jean-Jean Jauriol. Non, pas que je sache. Et au point de vue de leur personnalité, alors vous qui avez bien connu les deux hommes? Ils étaient extrêmement différents. Si vous voulez, Jean-Georges, je vais caricaturer un petit peu, mais était une sorte de dandy, par rapport à André, qui était plutôt l'incarnation d'une culture populaire, venant d'un milieu modeste, choses comme ça. Ils étaient extrêmement différents. Ils s'appréciaient beaucoup, mais ils étaient totalement différents comme hommes, tout à fait. Alors, la revue du cinéma disparaît en 1949. Oui. Et très rapidement, vous vous employez à la faire renaître sous la forme des cahiers du cinéma. Oui, oui. Alors, il y a un gros effort. Ça correspond à peu près à l'époque où il y a eu le Ciné Club Objectif 49 et le Festival du Film Maudit. En effet, demain soir au studio des Champs-Élysées, baptême et séance inaugurale du Club Objectif 49. Il s'agit là d'un super club. Entendez par là un club pour lequel le mot avant-garde est déjà un mot périmé. Un club tourné vers l'avenir et le cinéma de demain plutôt que vers le passé et le cinéma d'hier. J'ai pu joindre l'autre après-midi Robert Bresson, Jean Cocteau, Roger Lénard, nos confrères André Bazin et Daba. Ils nous ont précisé les buts du club Objectif 49. Et puis je demandais à André Bazin ce qu'il pense justement de cet effort du club Objectif 49, à la fois en faveur d'un examen critique et technique des films. Je suis pleinement d'accord avec ce qu'on vient de dire. Je n'ai pas grand-chose à y mettre en plus. Je voudrais seulement un peu reprendre le mot de Lénard sur la technique invisible. Il est évident que la technique est d'autant plus précieuse et importante qu'elle est invisible, donc il n'y a pas de malentendu à faire là-dessus. Plus une technique, plus un film est justement profond dans ses intentions et dans la manière de les dire exactement, plus il est certain qu'il y a une technique sous-jacente. Simplement, cette technique n'est pas une technique de l'émulsion de la pellicule ou du son du seul point de vue de l'enregistrement, qui maintenant est à peu près au point. Et nous arrivons bien plus tôt, en effet, à un cinéma qui, ayant atteint son profil d'équilibre quant à son érosion technique, si l'on peut dire, est en train de se dissoudre, de pénétrer maintenant des terrains qui semblaient appartenir exclusivement à d'autres arts, comme le théâtre. Et les Parentèles de Cocteau sont, à mon sens, du cinéma pur, précisément dans la mesure où ils ont complètement cristallisé, où le théâtre préalable est complètement cristallisé en cinéma. Mais ceci, on ne le voit pas et ça prête en effet à une équivoque que nous attacherons à défaire. Jean-Charles Takela. Tout ça est venu du festival de Venise en 1948, où on s'est tous rencontrés, où il y avait Cocteau, où il y avait Wells, où il y avait Bazin, où il y avait Claude Mauriac, Daniel Valcroze, moi, Cass, et on s'est mis à parler de faire un ciné-club. Tous les ciné-clubs, il y en avait beaucoup à l'époque, hein, beaucoup, et les ciné-clubs étaient tous tournés vers le passé, ils essayaient de présenter tous ces classiques cinéma qu'il faut dire qu'avant les années 1945 on pouvait pas voir. C'est grâce au ciné-club qu'on a pu les voir. Et nous, on s'est dit, mais maintenant il faudrait faire un ciné-club tourné vers l'avenir. Alors on a pris immédiatement Cocteau emballé comme président, et on s'est dit on va choisir, on va présenter les films qui n'arrivent pas à sortir, ou des nouveaux films pour nous, on a envie de se battre pour eux, ou des films maudits, etc. C'est venu de ça. Et ça a très bien fonctionné. Pendant 2 ans, il y avait une ou deux projections par semaine. Ça a commencé début décembre 1948, la première projection, avec Les Parents Terribles de Cocteau, d'ailleurs, au studio des Champs-Élysées. Présenté ce jour-là par Bazin et par Cocteau. Et c'est l'époque aussi où ils préparaient, où ils ont écrit le premier livre sur Orson Welles. Donc vous dites que c'est vraisemblablement la première monographie de cinéaste publiée en France. Je crois, une des premières en tout cas, oui. Et le prolongement d'Objectif 49, c'est le festival du cinéma maudit de Biarritz. Oui, on a eu la possibilité, en mois de juillet 1949, de faire un festival du film maudit à Biarritz, alors qui a été très très réussi. Il y a eu un deuxième l'année d'après qui s'appelait Le Rendez-vous de Biarritz, mais déjà Bazin était malade, et puis il y avait la guerre froide, la guerre de Corée avait commencé, l'ambiance était assez épouvantable, on croyait qu'une troisième guerre mondiale allait arriver, enfin les gens ne voulaient plus faire de festival ni rien. So foul, unfair a day I have not seen. A drum, Macbeth does come. Et donc, il y avait un certain nombre de gens, de critiques de cinéma, comme Claude Mauriac, il y avait Roger Lénard, enfin tout un groupe comme ça, qui se disait, il faut faire une revue de cinéma. Ça paraît tout à fait étrange aujourd'hui qu'on pense ça, parce que maintenant c'est devenu une chose très... les publications sur le cinéma, il y en a tant qu'on en veut, mais ça ne s'imposait pas du tout à l'époque. Et il y a eu une première recherche avec Bazin et Lénard. On a fait le tour d'un certain nombre d'éditeurs de Paris, et personne n'a marché. Certains se sont découragés, et... c'est tout à fait un hasard qui a fait que quelqu'un qui avait un rapport pas du tout culturel avec le cinéma, qui était un monsieur qui avait un circuit de salle à Paris, qui s'appelait Kegel, pour faire plaisir un peu, il avait un jeune fils là, au cinéma, m'a dit un jour, est-ce que vous voulez qu'on essaye, je suis prêt à financer le départ, comme ça. Et donc c'est grâce à ce monsieur, à qui on a d'ailleurs rendu hommage dans les cahiers quand il est mort, qu'on a pu fonder les cahiers. Et d'ailleurs André n'était pas là parce qu'il était malade, Et c'est à cette époque-là que les cahiers ont pu apparaître. Et d'ailleurs, il s'est passé une chose qui est un des regrets de mon existence, c'est que ce monsieur Kegel, qui s'appelait Léonide Kegel, au moment où ça allait presque paraître, a un peu pris peur devant notre jeunesse et notre expérience de soi-disant de la publication d'une revue, et il a fait appel à, il a engagé comme troisième larron, il y avait Bazin, moi, un monsieur qui s'appelle Loduca, qui est d'ailleurs quelqu'un qui vit toujours, très intéressant, et qui avait lui fait beaucoup de publications comme ça, bon. Et qui donc s'est occupé de la question pratique de l'apparition du premier numéro, la question pratique plutôt, bon. Et c'est lui qui a été imprimé dans le bon tiré. Et sur le premier numéro des cahiers, il n'y a pas le nom d'André. C'est extraordinaire. Il n'est pas marqué comme rédacteur en chef. C'est extraordinaire, une chose qui l'a complètement animé par la suite. Et il n'était pas là, il était, je ne sais pas où, il était dans les Pyrénées quand il était... C'était l'époque de la tuberculose, comme ça. Et il a été assez frappé en rentrant. Enfin, on s'en est expliqué, il a très bien compris. Et notre amitié était au-dessus de ça. Et là, c'est Bazin qui est devenu le rédacteur en chef. Oui, bon, tous les deux. On était tous les deux rédacteurs en chef, André et moi. Et si vous voulez, moi, j'étais à demeure au cahier. J'en assurais la partie pratique. André n'est pas un organisateur du tout sur ce plan-là. Il était complètement débarrassé du côté pratique. Cette revue, fallait la faire vivre, la vendre et tout ça. Et d'ailleurs, moi, je me suis beaucoup trop consacré à ça, je veux dire. Mais si je l'avais pas fait, je sais pas qui l'aurait fait. Parce que c'est pas ceux qui sont venus après, les Truffaut, les Rivette, les Godard, les Romer, etc. Ils n'ont jamais rien fait de pratique pour lesquels ils ont fait ce qui est le plus important. Ils ont écrit dedans. Et ils ont communiqué un esprit. Mais ils étaient pas des entrepreneurs de revue. Une revue, ça doit s'imprimer, se fabriquer. Moi, j'ai eu la mauvaise besogne, là. Rien de cassé, mais je ne devais pas être beau à voir. Je m'essuyais de mon mieux. Les charges qui pesaient sur moi étaient si lourdes, je les avais aggravées si nettement, pourquoi ne m'avait-on pas fusillé? Durant l'attente, dans la cour, je m'étais habitué à l'idée de la mort. J'aurais préféré une exécution immédiate. Oui, à propos de son activité, là j'ai un extrait de lettre de janvier 48 à une amie, où il dit « À peine ai-je le temps de dormir et de manger, et j'écris tellement d'articles que la vue d'une feuille blanche, fût-elle de papier à lettres, me donne la nausée. Ma vie passe, roulant son bagage quotidien de laïus et d'articles, rongeant de plus en plus les territoires déjà exigus de ma vie privée. Il faudrait que je me marie, mais je n'en ai pas le temps. » En quelle année il 48. Ça 48. Mais je crois qu'il vivait déjà avec Janine. Il vivait avec Janine, oui. Moi, je pense qu'ils se sont mariés parce qu'ils ont eu un enfant, je pense, mais... Et un fils qui a fait du cinéma grâce à Truffaut, je crois. Oui, un fils, Florent, qui oui, mais après, bien après, il était tout petit quand André est mort. Oui, c'est Truffaut qui l'a fait débuter. Maintenant, il est cadreur, enfin, il est à la caméra et il travaille beaucoup, je crois. Oui. Bazin a eu un rôle très important pour Truffaut. Ah ben absolument capital, c'est son père quoi, c'est son... puisque François n'a pas eu de pratiquement pas de père et pas de mère, qui ont été très hostiles, on connaît bien l'histoire, bon. Qui l'ont même émancipé très tôt pour plus s'occuper de lui et tout, et c'est Bazin qui l'a connu dans le ciné-club. Un petit ciné-club qu'avait fondé François et qui a demandé à Bazin de venir. Ça a tenu trois séances, parce qu'il n'avait pas d'argent. Et ensuite, André s'est complètement attaché à François et l'a complètement, si vous voulez, adopté. Les coups frappés par mon voisin ne m'étaient d'aucune aide. Je crois que j'ai perdu un instant courage et que j'ai pleuré. Je dormais si profondément qu'au petit jour, mes geôliers durent me réveiller. André Bazin a assisté quand même au premier film de la Nouvelle Vague, enfin de ce qu'on appellera ensuite la Nouvelle Vague. Oui, de justesse, mais il est mort pendant que François tournait les 400 coups. Donc il n'y avait pas eu grand-chose avant. Il y avait eu le beau Serge de Chabrol qui est tourné avant. Rivette aussi, au moins les courts-métrages. Le coup du berger. Oui. Dans lequel vous étiez acteur. Oui. Et il y avait il y a eu assisté. Il avait très bien senti ce qui arrivait, mais il n'en a pas du tout vu l'épanouissement. Mais lui, il avait déjà André très bien perçu les prémices de la Nouvelle Vague dans les films d'Agnès Varda, même d'Astruc, de Melville. Les premiers films de Melville sont tout à fait faits comme les films de la Nouvelle Vague. Il avait bien vu qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Point de vue critique, la Nouvelle Vague a remué beaucoup de vagues. Hein. C'était plus que des vaguelettes, avec les papiers de Truffaut notamment. Oui. Quels étaient sur le plan théorique les rapports de Bazin, de Truffaut, de vous-même et des autres critiques des cahiers à ce moment-là? Est-ce que vous étiez toujours d'accord? Non, c'est plus complexe que ça. Si vous voulez, au début, on peut dire que l'esprit qui est donné au cahier au début a été donné par Bazin et par moi. Bazin parce que c'était Bazin, et moi parce que j'avais l'héritage de la revue du cinéma que j'avais animé. Bon, et on ne pensait pas au départ en faire une revue de combat aussi offensive. Et si on regarde tous les 10 ou 15 premiers numéros, il n'y a pas d'article au vitriol très offensif. Et on avait pris comme parti de parler de ce qu'on aimait et de ne pas attaquer ce qu'on détestait. Alors on s'est mis à parler de Lénard, d'Ophul, de Cocteau, de Becker, de Renoir, des gens comme ça. Mais on laissait de côté entre autres le cinéma français de l'époque, que nous n'aimions pas beaucoup, hein. Je ne parle pas de Lénard, de Cocteau. Et ce sont l'arrivée de ce que j'appelle les jeunes turcs, c'est-à-dire Godard, Truffaut, Rivette et Chabrol, qui ont changé l'esprit des cahiers et fait leur succès. Il faut bien le reconnaître. Bon, mais Bazin et moi, on a été très hésitants au début. Très hésitants parce que c'était pas exactement ce qu'on voulait faire. Mais ces petits jeunes arrivaient avec des dents longues, avec une espèce d'agressivité. Ils étaient tous très frustrés. Ils étaient certains très pauvres, comme ça. Et ils avaient envie d'en découdre. Et l'article qui a tout déclenché, c'est l'article de Truffaut sur certaines tendances cinéma français. Bon. Et cet article, il est resté 2 ou 3 mois dans un tiroir. Parce que Bazin hésitait beaucoup à ce qu'on le publie, parce que il le trouvait injuste quelque part. Et c'est vrai qu'il a joué un rôle presque historique entre guillemets, mais il était injuste pour beaucoup de choses. On ne peut pas traîner dans la boue autant Lara, je veux dire, qui est un metteur en scène qui a une œuvre très intéressante, même si elle est discutable. Maintenant, on a d'autres raisons de le traîner dans la boue. Oui, maintenant, on a d'autres raisons. Mais finalement, c'est moi qui ai décidé, André, de le publier. Il avait très peur. Je lui ai dit, écoute, Henri. Oui, vous voulez? Madame Agnès Varda au téléphone. Ah oui, il y a un très mauvais appareil, là. C'est Agnès. Allô? Agnès? Agnès Varda, vous vous souvenez de votre première rencontre avec André Bazin? Ah oui, très bien, c'est dans une petite salle de projection des Champs-Élysées où René, qui avait monté pour moi et avec moi mon premier long-métrage, La Pointe Courte, il avait voulu faire une projection. Voilà, nous avons monté depuis le moment où j'ai tourné le film, en été 54, jusqu'au début de l'année 55, et il m'a dit... Tu es complètement en dehors de tout, du milieu, du cinéma, des producteurs. Mais il y a 2 personnes à Paris à qui il faut en premier montrer le film, qui sont des gens qui comprennent le cinéma. C'est André Bazin et Pierre Brandberger. Et on a donc fait une projection pour ces 2 hommes-là, que je ne connaissais pas. Et tous les 2 avec des yeux intenses, ça m'avait frappé. Et Bazin, d'une très grande gentillesse, a souhaité me revoir après. Il était très impressionné par le film. Et moi, je ne savais pas l'importance qu'avait André Bazin dans la réflexion sur le cinéma, la théorie et tout ça, puisque je ne connaissais rien, ne lisais rien. Donc, à la suite de cette projection, il a dit, mais il faut absolument faire connaître ce film. Venez le montrer à Cannes. Mais moi, pour moi, Cannes, je ne savais même pas qu'il y avait un festival de films à Cannes, je ne savais rien. Donc, il m'a dit, écoutez, c'est pas compliqué, vous venez avec votre film, Moi, je suis à l'hôtel suisse et je vous aiderai. Je suis arrivée assez naïvement à la gare de Cannes avec Mehdi Bobine, avec aucune idée, mais c'est incroyable, j'ai même pas pensé à prendre un taxi, j'ai fait 3 voyages pour aller les porter 3 par 3 à l'hôtel suisse. Et Bazin a demandé qu'ils m'offrent une chambre, ce qu'ils ont fait, quand on pense à l'affluence qui était peut-être moins grande, mais enfin, du Festival de Cannes était déjà quand même assez grande. Ce qui m'a valu d'ailleurs une reconnaissance qui fait que j'ai été à l'hôtel suisse pendant 20 ans après. Donc, Bazin y était avec Janine, et il m'a dit, on va faire une projection, où, quand, comment, je ne savais pas. Il m'a dit, ben, il faut aller rue d'Antibes, il faut louer le cinéma Vox. Et il a écrit dans le film français un article. Je ne me rappelle plus, c'est un petit article du genre, un film libre et pur, ou enfin, une de ces choses-là. Et puis pour partager les frais de projection, je m'étais présentée avec un court-métrage ou moyen-métrage de Marc O. Et alors, j'ai fait une invitation. On a ronotypé avec une machine à alcool, Dieu sait quoi. Et Bazin et Janine, tous les deux, m'ont aidé à remplir les enveloppes, car ils savaient où étaient leurs collègues cinéastes, les quelques cinéastes qui étaient là, les gens importants, les producteurs, dont moi je n'avais pas la moindre idée. Il m'a donné une liste de noms, une liste d'hôtels. J'ai été déposer tout ça. Et comme il avait écrit donc cette petite colonne dans le film français, ça faisait des faits à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'à part le festival officiel, il n'y avait que quelques projections rue d'Antibes, très peu. Donc tout petit événement off était quand même important. Oui, il n'y avait ni la quinzaine, ni la semaine de la critique, etc. Rien du tout, ni le nombre de films, ni le monde, ni... Bah, ça vous donne une idée, il y avait peut-être 2 ou 3 projections privées par jour, en plus du festival lui-même, c'est tout. Donc, il y a eu un certain nombre de gens, je dois dire, qui sont venus à cette projection, non identifiés par moi, mais qui m'ont été nommés après, quelquefois des années après. Je me rappelle, on m'avait dit que Doman était là. Et tout ce joli monde de cinéma, un peu influencé quand même par Bazin, qui disait que c'était très bien, s'est dit, ah là là, très nouveau, très bien. Donc je peux dire qu'il a été mon parrain en France, pour imposer, simplement, que les gens regardent La Pointe Courte, on ne parle pas de commerce, de distributeur, que le film existe, si vous voulez, dans un petit milieu. De même que j'ai eu un autre parrain qui vient de mourir et qui est Jacques Ledoux, de la Cinémathèque belge, qui lui a montré le film en Belgique avant tout le monde. Et ces deux hommes, donc on a... C'est triste, quoi, qu'on les ait plus, parce que moi, ils ont été formidables pour moi. Et Bazin, puisque c'est le sujet de votre émission, est resté complètement sympathique à mon égard, très ouvert, très gentil. Dès 55, donc, il m'invitait chez lui, à Nogent-sur-Marne. J'y suis allée souvent. Je me souviens, par exemple, d'une fois... J'avais Rosalie, ma petite fille, qui avait 2-3 mois, donc 58. Et puis, j'aimais bien marcher le dimanche. Alors, je me rappelle très bien, j'ai mis Rosalie dans mon dos, comme les Chinoises, avec un petit tissu de couleur, vous savez, noué. J'ai traversé tout le bois de Vincennes et j'ai été passer l'après-midi chez Bazin. Ce jour-là, il y avait Sadoul, je me souviens de ça. Il y avait des conversations très gentilles, un goûter, sans doute un thé, je ne sais pas quoi. Quand vous pensez ce que ça représente d'être si gentil avec une inconnue complète qui a fait seulement un film hors système, c'était une véritable, vous voyez, ouverture vers les cinéastes qui voulaient faire un cinéma, bon, qui sans doute correspondait à ses réflexions et ses idées sur les auteurs, sur le découpage, sur le montage. Toutes choses dont nous avons parlé souvent, mais que je n'ai jamais lu dans ses livres. Je n'ai jamais lu les textes de Bazin. Je ne lis pas beaucoup les théoriciens de cinéma, c'est pas que je veux pas les admirer, mais ça rentre pas dans mes lectures normales. Disons que si j'ai un peu de temps pour lire, j'aime mieux lire n'importe quoi, des vies de peintres, des choses un peu hors cinéma, justement. Alors, il m'a parlé de ça souvent, ça m'a semblé essentiel, et ça m'a suffi. Son parrainage, son intelligence, son amitié m'ont suffi. Ce n'est pas qu'il ait été mon maître à penser, puisque je ne peux pas dire que j'ai lu ses textes. C'était en fait des rapports un peu privés. Lui et Janine m'ont souvent emmené ou invité, par exemple, une fois... Il m'a invité à manger chez Claude Vermorel, qui est un de leurs amis, un déjeuner comme ça. Je me souviens, moi j'avais tout ça 26 ans, 27 ans peut-être, et je connaissais personne là-dedans. Et à la fin du déjeuner, à l'heure du dessert, du café, est arrivé un jeune homme agité, exalté, qui semblait aimer Bazin énormément et qui restait un petit moment et qui repartit. C'était Truffaut, bien avant qu'il ne tourne. Et je crois qu'il n'écrivait pas encore. Donc, si vous voulez, ça a été mon point d'angle pour rentrer, mon coin pour rentrer dans la connaissance d'un certain milieu. Mais je ne peux pas dire que je l'ai fréquenté assidûment, je ne peux pas dire que je l'ai lu, mais il a été pour moi un homme important et j'ai eu une grande douleur de le perdre. Et ses rapports avec les metteurs en scène, parce qu'on parle de son amitié avec Wells, avec Fellini. Oui, oui, c'est aussi très curieux. Ça, les, un certain nombre de grands metteurs en scène, comme Wells, comme Fellini, comme Visconti aussi, comme Renoir, etc., ont été quelque part estomaqués par le personnage de Bazin. Ils n'avaient jamais rencontré ça, ils avaient... C'est curieux parce qu'ils payaient pas de mine, mais ils ont été fascinés par son intelligence. Quand on relit les textes de Rossini ou de Renoir sur Bazin, c'est étonnant l'importance qu'ils lui ont accordée. Et Renoir qui raconte en long en large ses déjeuners à Nogent-sur-Marne, je sais pas où, comme ça, alors que Renoir était un grand personnage qui vivait dans le luxe à Los Angeles et tout, et qui raconte comme un repas chez la reine d'Angleterre, le déjeuner qu'il avait fait la veille, et les plats qu'avait fait Janine, et ce que racontait André. C'est tout de même très étonnant que ce personnage, comme ça, qui payait pas de mine, qui était pas spécialement coquet, qui était de plus en plus malade, un peu fantomatique, comme ça, exerçait une telle fascination sur les gens. C'est étonnant. C'est comme s'ils avaient rencontré une sorte de saint. Hein. Moi, je suis pas traversé dans ces histoires, mais il y avait comme ça, comme une impression qu'ils avaient rencontré un personnage, un côté de... sorte de saint, comme ça. Oui, mais les pêcheurs apportent toutes leurs affaires avec eux. Dites donc, monsieur Dupont, oh. Ils n'ont pas de canne à pêche. Faut aller ailleurs. Oh non, maintenant que je suis descendue, on reste ici. Fait bien trop chaud sur la route. Donc, tu as raison, ma chérie. On va déjeuner ici. Avez-vous le patron, je vous prie. Oui, monsieur, tout de suite. Alors, grand-mère, tu es contente d'être arrivée? On va respirer le bon air. Et puis, on va bien déjeuner. Il y a un autre rapport, il me semble, de Bazin. La critique, c'est son intérêt pour les formes qu'on considère généralement comme marginal du cinéma, le cinéma ethnologique, documentaire. Oui, oui. Il a écrit des articles importants. Oui, oui, très, très importants sur le cinéma documentaire, sur le film d'art, sur des choses comme ça. Oui, oui, oui. Et ça fait des articles sur Palvé, sur Rouge, sur tout le film d'art. Il a très bien commencé à analyser les films de René, sur Van Gogh, tout ça, ou toute l'œuvre de Roger Lénard, de documentaire de court-métrage, qui est très très importante, et très très méconnue aussi. Oui. Alors, Lénard-Bazin, là, il y a une filiation directe qui passe par esprit, puisque c'est Bazin qui a pris la succession de Roger Lénard à la chronique cinématographique d'Esprit. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui. Lénard le protestant, Bazin le catholique. Oui, oui. C'était deux personnes qui s'aimaient beaucoup, qui s'appréciaient beaucoup et qui étaient au départ totalement différents. Roger était typiquement un personnage de la société protestante du Midi, d'une très grande famille protestante, les Lénard, tout ça, les Casalis et compagnie. Des gens avec des domaines, des choses comme ça, ton esprit. Et Bazin était le contraire. Bazin était d'origine modeste, il n'a jamais rien possédé à lui, il n'y avait pas une tradition de famille derrière lui, ses parents étaient très gentils, mais si vous voulez, très humbles d'un certain côté. Et ces deux hommes se sont rencontrés. Ouais. Et ils s'admiraient, ils s'estimaient beaucoup. Ils étaient tous les deux des grands parleurs. Des grands discoureurs, un don de la parole, tout, très différente, parce que Roger parlait avec une grande facilité, avec toujours une espèce d'accent un peu méridional qui lui était resté, encore qu'il a pratiquement toujours vécu à Paris. Roger parlait un peu, si vous voulez, une sorte de, comme la couture, comme ça, une espèce de façon de parler. Et André, c'était, ça avait l'air de venir du fond de la mine à côté. Bon, mais ils s'aimaient énormément, ils s'appréciaient beaucoup. On a d'ailleurs des portraits en chant contre chant des deux, puisque chacun a écrit sur l'autre. Oui, oui. Pour quelques dizaines de personnes dans Paris, romanciers, poètes, directeurs de revues, acteurs, metteurs en scène de théâtre ou de cinéma, critiques, peintres, producteurs indépendants, dont la plupart se rencontraient déjà entre l'Odéon, la rue du Bac et la Seine, bien avant l'invasion existentialiste, quand les deux Magots étaient encore une centrale littéraire, et qu'on allait au Café de Flore pour rencontrer Renoir, Paul Grimoud ou Jacques Prévert, pour quelques dizaines de personnes, dis-je, dans le Paris des lettres, des arts et de l'amitié, existait, dès avant la guerre, un cas Roger Lénard. Ce petit homme mince, légèrement voûté comme sous le fait d'on ne sait quelle lassitude idéale, ce petit homme, donc, occupait aux frontières de la littérature et du cinéma français une place distraite, insolite et exquise. Ils sont quelques-uns à tenir à juste titre Roger Lénard pour l'un des plus brillants critiques et esthéticiens du cinéma parlant, et à savoir qu'il le fut avec deux bons lustres d'avance. Sans doute faut-il admirer l'honnêteté d'un esprit qui procédait par approximation, par approfondissement successif, d'une plume qui ne prétendait pas à la grâce du prime saut et ne cachait pas de fréquents repentirs. Oui, André Bazin possédait ses mérites sérieux, presque moraux, de l'intelligence, que sont le scrupule, la rigueur, le goût de l'exhaustif, la sûreté dialectique, la générosité enfin, d'où naît la seule critique profonde, je veux dire positive. Mais ces qualités, presque trop évidentes, risquent d'estomper pour certains un trait plus central, plus aigu, plus précieux de son portrait. Ici, je reviens à cette année 1942. Ce qu'il cherchait en définitive, est-ce que ça n'était pas une définition du cinéma ? Oui, parce que là, il avait bien l'impression qu'il y avait eu beaucoup de critiques impressionnistes. Alain Resnais. Il essayait, oui, de trouver, enfin, de savoir justement s'il y avait vraiment une grammaire du cinéma ou des choses comme ça. Alors que les autres se contentaient peut-être d'analyser l'effet que faisait la beauté ou la laideur de certains films. Lui cherchait à essayer d'aller plus profond, quoi. Et je me souviens par exemple que c'était lui qui a... ça paraît maintenant, je veux dire, on a tellement écrit, et sous son influence d'ailleurs, dans le monde entier occidental en tout cas, parce que... l'importance de Bazin dès qu'on est à l'étranger, qu'on soit à Londres, New York ou à Rome, est exceptionnelle, quoi. Enfin, tous les gens qui s'occupent de cinéma, c'est une référence, quoi. Et c'était par exemple qu'il y avait l'idée que le cinéma ne reproduisait que la réalité et que cette réalité, en fin de compte, était assez fidèle. Et Bazin a bien mis en valeur le côté rêve, le côté fictif, le côté complètement illusionniste du cinéma, même dans des films qui se voulaient d'apparence réaliste. Je crois qu'avant lui, c'était une chose dont les gens ne s'étaient pas préoccupés, mais quand on demandait aux gens, mais est-ce que quand vous voyez une comédie française au cinéma, je prends exprès une comédie légère comme ça, bon, un Victor Boucher, Elvire Popesco ou un Fernand Gravet, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et les gens disent, oui, bien sûr, mais vous, l'idée que c'était un univers totalement inventé par le cinéma n'apparaissait pas, quoi. Les téléphones avaient l'air vrais, les lits avaient l'air vrais, donc tout était réel, quoi. Et Bazin a mis en valeur, en effet, l'effet totalement, on pourrait dire créatif, enfin, de ce monde très spécial, quoi. Et c'est pour ça que Rossellini, qui cassait un peu cette notion d'univers cinéma traditionnel, l'intéressait beaucoup. Il a été, en effet, un des grand défenseur et amateur du néo-réalisme italien. C'était là où il a commencé à s'affirmer en tant que critique, quoi. Qu'est-ce qui vous paraît être la problématique essentielle de Bazin ? Est-ce que ce n'est pas le rapport de l'image et de la réalité, cette proximité sur laquelle il insistait ? Absolument, absolument. Et je dois dire, d'ailleurs, plus les années avancent et plus sa pensée est relativisée, reconnue bon, comme importante par les chercheurs en matière d'approche et d'analyse de films, mais avec des divergences, des réticences, quelquefois un peu de condescendance à l'égard de Bazin. Jean Narboni. Et plus, bon, ce qui est le point spécifique de sa position me paraît fondé. Et quand j'en parle avec des amis, il nous arrive très souvent, en voyant des films ou en parlant de cinéma, de nous dire, mais finalement, Bazin avait raison, et qui est absolument ce rapport à la réalité, c'est-à-dire l'existence d'un point de réel, le ici et maintenant de quelque chose qui survient. Alors on peut dire que bien sûr ce réel est déformé parce que la caméra n'est pas à des codes perspectifs, enfin tout le débat qui a eu lieu dans les années 70 sur la fidélité à ce réel, mais la fidélité à ce réel n'est pas le critère important. Le critère important, c'est qu'il y ait une pointe de réel captée par un objectif et qu'il y ait donc une objectivité photographique qui donne ce papillon qui passe dans le champ chez Griffith ou cette feuille qui bouge derrière un personnage chez Straub et qu'aucune image de synthèse, aucune invention de forme électronique, etc. n'arrivera à remplacer, peut-être ça va le supplanter, peut-être ce que je dis sera un jour complètement antédiluvien, mais à supposer que les technologies, le dispositif général des images et des sons bon, rendent ce que je dis périmé, ça l'aura supplanté, mais ça ne le remplacera jamais. C'est-à-dire cette chose-là qui est quelque chose apparaît. Est-ce qu'il vous a beaucoup apporté en tant que critique ? Alors disons, pratiquement dans le métier de critique, l'approche des films et la façon comme ça de les aborder, de les pénétrer. Oui, oui, et pour une raison d'ailleurs que qu'on a souvent tendance à oublier quand on fait des recherches sur l'approche critique des films, sur l'analyse, etc., et qui fait absolument partie de sa puissance d'analyse, c'est son style. Ce qui est impressionnant chez Bazin, c'est son écriture. Et c'est dans le mouvement de son écriture qui produit ses notions, ses idées, etc. Et là-dessus, bon, c'est quelqu'un que j'ai lu, moi, comme un écrivain. Il y a des textes de lui qui sont des nouvelles, qui sont des contes, qui sont des... Par instant, bon, avec sa tendance à faire appel à la physique ou à la chimie ou à la botanique ou à la géologie, etc., il y a des images qui sont absolument splendides. Enfin, et quelquefois même presque à la limite du fantastique. Il y a beaucoup la métaphore. Oui, oui, oui, oui, oui. Dans le fameux article, Romer s'extasie sur les métaphores de Bazin en disant qu'elles sont infiniment plus belles et supérieures à celles de son maître Albert Thibaudet, je me souviens, qui écrivait ça, Romer. Et c'est à partir de cette écriture que le mouvement de la pensée a lieu. Et puis, surtout, ce qui était impressionnant chez lui, c'était la capacité à allier, bon, pour aller très vite, les questions stylistiques et les questions de fond, puisque le fond de la théorie, c'était que toute technique était sous-tendue par une métaphysique, donc ces articles ne pouvaient pas séparer l'un et l'autre. Donc, c'était à la fois quelqu'un qui décrivait très bien les films et en même temps qu'il est... Enfin, il y avait un mouvement, dans le même mouvement, il décrivait, il évaluait et il analysait. Ce qui est ce qu'on peut demander à un critique. C'est-à-dire que cette triple postulation au même moment. Donc il n'y a pas d'abord une description, ensuite un jugement de valeur, ensuite une analyse, etc. Il y avait dans le même mouvement les trois. À la limite, et c'est un très bon test ça, pour les articles critiques, on pouvait, d'ailleurs c'était le cas, puisque j'habitais pas Paris, et que très souvent je lisais des articles dans les cahiers, et donc aussi ceux de Bazin sur des films que je devais voir 10 ans plus tard ou 6 ans plus tard, moi il m'est arrivé d'éprouver un grand plaisir à lire un article de Bazin ou éventuellement de Truffaut, Godard, etc., sur des films que je n'avais pas vus parce qu'ils avaient une portée en soi. Non, je cite deux articles parce qu'ils me reviennent en mémoire. Là, bon, l'article qui s'appelle Le mythe de Staline est une nouvelle extraordinaire. D'abord, c'était un article prophétique, d'abord. Analytiquement extraordinaire. Et qui se lit comme une nouvelle, et qui est un article très drôle, parce qu'il faut aussi parler de... Enfin, le mentionner, de son rappeler l'humour imperceptible, mais très très fort de Bazin, et l'article sur le mythe de Staline, c'est-à-dire le cinéma édifiant, disons. C'est un article extraordinaire, et c'est un article très long, et à côté, un article très court sur le dictateur de Chaplin, bon, sur ce qui est devenu maintenant pratiquement un commun, à savoir que Chaplin s'est vengé de ce qu'Hitler lui ait volé sa moustache, etc., etc. Bon, c'est devenu une sorte de conte, hein, de Fabliau. Pastiche et postiche ou le néant pour une moustache. Pour qui accorde à Charlot, dans l'ordre de la mythologie et de l'esthétique universelle, une importance au moins équivalente à celle d'Hitler dans l'ordre de l'histoire et de la politique, pour qui ne trouve pas moins de mystère à l'existence de cet extraordinaire insecte noir et blanc dont l'image hante depuis 30 ans l'humanité qu'à celle de l'homme au poignet cassé qui obsède encore notre génération, le dictateur est d'une signification inépuisable. Deux hommes, depuis un demi-siècle, ont changé la face du monde. Gillette, l'inventeur et le vulgarisateur industriel du rasoir mécanique, et Charles Spencer Chaplin, auteur et vulgarisateur cinématographique de La moustache à la Charlot. On sait que, dès ses premiers succès, Charlot suscita de nombreux imitateurs, pasticheurs éphémères dont la trace n'est conservée que dans de rares histoires du cinéma. L'un d'eux, pourtant, ne figure pas à l'index alphabétique de ses ouvrages. Sa célébrité ne cesse cependant de croître à partir des années 32-33. Elle atteignit rapidement celle du Little Boy de la ruée vers l'or. Elle l'eût peut-être dépassée si, à cette échelle, les grandeurs étaient encore mesurables. Il s'agissait d'un agitateur politique autrichien nommé Adolf Hitler. L'étonnant, c'est que personne ne vit l'imposture, ou du moins ne la prit au sérieux. Charlot, pourtant, ne s'y trompa pas. Il dut tout de suite sentir à la lèvre supérieure une étrange sensation, quelque chose de comparable à ce qu'est le rapt de notre tibia par un être de la quatrième dimension dans les films de Jean Painlevé. Je n'affirme évidemment pas qu'Hitler ait agi intentionnellement. Il se peut en effet qu'il n'ait commis cette imprudence que sous l'effet des influences sociologiques inconscientes et sans aucune arrière-pensée personnelle. Mais quand on s'appelle Adolf Hitler, on se doit de faire attention à ses cheveux et à sa moustache. La distraction n'est pas plus une excuse en mythologie qu'en politique. L'ex-peintre en bâtiment commit là une de ses fautes les plus graves. En imitant Charlot, il avait commencé une escroquerie à l'existence que l'autre n'oublia pas. Il devait quelques années plus tard le payer cher. Pour lui avoir volé sa moustache, Hitler s'était livré, pieds et poings liés, à Charlot. Le peu d'existence qu'il avait enlevé aux lèvres du petit juif allait permettre à celui-ci de lui en reprendre bien davantage. Que dis-je ? De le vider tout entier de sa biographie au profit non pas exactement de Charlot, mais d'un être intermédiaire, un être précisément de pur néant. La dialectique est subtile mais irréfutable. La stratégie invincible. Première passe, Hitler prend à Charlot sa moustache. Deuxième round, Charlot reprend sa moustache. Mais cette moustache n'était plus seulement une moustache à la Charlot. Elle était devenue entre-temps une moustache à la Hitler. En la reprenant, Charlot gardait donc une hypothèque sur l'existence même d'Hitler. Il entraînait avec elle cette existence. Il en disposait à sa guise. André Bazin, Esprit, 1945. Jean Collet. Ce qui a marqué très fort, c'est difficile de trouver quelle était l'idée force de Bazin, mais il y en a une, je crois qu'elle a été très bien analysée par des gens comme Labarthe, entre autres, c'est que Bazin a pensé que la caméra, c'était un appareil d'enregistrement et que le réel, la chose qui était là devant la caméra, c'était ça qui importait. Que la caméra devait être un modeste appareil de prise de vue qui retient. Donc, contre un cinéma de découpage où le plan n'était que une petite cellule dans une organisation très, très élaborée, très, très serrée, et finalement très, très manipulatrice, Bazin a opté pour les cinéastes qui respectaient le réel, finalement. Le réalisme de Bazin, c'est ça, c'est de croire que la caméra doit se soumettre à quelque chose qui préexiste. Dis donc, c'est des laitiers. Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche? Oui, c'est des laitiers, c'est une voiture de laitiers. Mais quel genre de laitiers? C'est une famille. Oh, zut alors, c'est la fin de tout, on n'a plus qu'à faire nos mâles. Pour ça, tu fais pas ta caresse chez toi? Si encore il y avait des femmes. Il y en a des femmes, il y en a trois. Il y en a trois. Tiens, là le plus beau. Monsieur Poulain, il veut déjeuner. Oh, bon, ben on y va. C'est monsieur Henri, c'est de l'eau fraîche pour l'absinthe. Merci, votre Poulain. Dites donc, monsieur Henri, pas de pêche de ce matin. Je vous en fais une friture. Ah non, merci, le poisson, j'en ai soupé. T'en veux, toi, Henri? Oh non, puis qu'à la fabrique, le poisson sort peut-être. Hein. Alors, je le donne au chat. Donnez-le aux Parisiens, ils seront ravis. Oh, ben ça, c'est une idée. Je vous remercie bien, monsieur Henri. Alors, monsieur Poulain, le client vous attend? Est-ce qu'on peut parler d'une filiation basinienne? Est-ce que vous discernez aujourd'hui l'influence de Bazin chez certains critiques ou chez certains cinéastes? Pas en tant que maître dont on appliquerait les conseils, je veux dire, mais c'était pas le genre de Bazin, quoi. Mais je crois plus à une influence de Bazin diffuse, à une imprégnation de Bazin, même les gens qui, je crois qu'il y en a eu, qui le détestaient, dont les articles et les écrits provoquaient la fureur chaque année ou chaque semaine, bon, selon les cas, étaient quand même obligés de tenir compte de ce que disait Bazin, quoi. Alors, je crois qu'il a transformé, bon, le ton de la critique des, qu'est-ce qu'on va dire, magazines, des mensuels, il n'y aurait pas eu, par exemple, ni Truffaut, ni Rivette, ni Romer, ni Jacques Doniol Valcroz, qui était un très très très bon critique. Alors, bon, ben, c'est sûr que si vous allez interroger Chabrol ou Romer, ils vont vous dire que la pensée de Bazin les a énormément stimulés. Enfin, du moins, je le suppose, quoi. Donc, il a eu une grande influence. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait ce que conseillait Bazin. Mais Bazin ne donnait pas de conseils, non. Simplement, il attirait l'attention sur certains phénomènes que pouvait provoquer le montage, l'enregistrement de l'image, le jeu des comédiens. Et c'était pas un maître à penser, mais c'était un maître à se poser des questions, quoi, et à essayer de trouver des réponses. C'est peut-être ça le rôle des vrais maîtres, justement. C'était Profil perdu, André Bazin, une émission de Jean-Pierre Pagliano. Avec la participation dans ce deuxième volet d'Alain Renet, Jacques Doniol Valcroz, Agnès Varda, Jean-Charles Taquella, Jean Narboni, Jean Collet et la voix d'André Bazin. Texte lu par Françoise Lebrun. Merci à Yves Builly des archives de l'INA, ainsi qu'à Pierrette Matalon et à Claude Guiguet qui nous ont aidés à rassembler la documentation sonore. Mixage, Philippe Sourdon. Réalisation, Jacques Taroni. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 octobre 1988. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.